mange à table, white tal comme un rasta. J'ai la foi, trop d'octaves pour toi. Passe au mode grave de Doudou Masta à l'aigu du castra. À part comme les îles de mes départements, je viens sanglant comme en Normandie le débarquement. Après 15 piges d'un spill, son respire. Je t'ai vu grandir, donc aime, je reste peace. De ma verdure créole au macadam, 8000 bornes, ma cabane. J'arrive à Paname, c'est la mer. Ouais, la mer et m'amène ici, tout ce qu'il y a de vert, c'est Noël, ma mère. Mais je reste comme mes accaps sur Adat. L'homme s'adapte de mon départ, je retiens plus la date. Dans le rap, j'ai des hectares de terre mat. Le cadastre ou l'espace, mon arrivée se lit dans les J'habite la petite case dans le Zion. Busy de Lion dans son royaume. Elle dans ma tête, elle est ma terre. Elle est la belle et je suis la bête. J'habite la petite case dans le Zion. Busy de Lion dans son royaume. Elle dans ma tête, elle est ma terre. Elle est la belle et je suis la bête. C'est mage le sauvage que la ville apprivoise. Tant bien que mal, partout je passe, le Zion pousse. Les gènes du scélérat, des épices dans le Cérélac 97, etc. Trop conscient pour l'enfer, trop chien pour le paradis. Mon âme se vend aux enchères. En tant que rappeur, pas vraiment de mission, ni prophète, ni juge. Nous les M6 juste, on s'entretue pour l'instru. Et pour que notre blase ne soit plus jamais celui d'un intrus. Égoïste et solitaire, de ma fenêtre à ma manière. Du malheur d'autrui solidaire. Pourtant l'homme ce connard, on nous a prêté la terre pour mieux se connaître. Regarde ce qu'on en a fait. Malgré que de vivre, on est tous pour. Mon discours à l'intérieur, on est tous pour. J'arrive la petite case dans Zion. Busy de Lion dans son royaume. Elle dans ma tête, elle est ma terre. Elle est la belle et je suis la bête. J'habite la petite case dans Zion. Busy de Lion dans son royaume. Elle dans ma tête, elle est ma terre. Elle est la belle et je suis la bête. J'ai tout plaqué sans soucis. Fallait que je parte comme tous, ne serait-ce que pour faire parler de ma broussaille. Et même la tête vide, tant que Dieu me prête vie, je pense à ma petite case. Le béton nous ouvre ses bras. Le Zion et moi comprend notre langage, car dans le fond on a le même combat. En une saison, tous nos rêves s'ébranlent. On a le boudin plein, mais notre dalle est cérébrale. Je veux apprendre à ces braves marmots qui nous entendent qu'il faut de l'amour de temps en temps, et que tu es c'est grave. Ex-indigène, besoin d'air. Ma case se cache dans une bulle d'oxygène, besoin d'elle. J'habite la petite case dans Zion. Busy de Lion dans son royaume. Elle dans ma tête, elle est ma terre. Elle est la belle et je suis la bête. J'habite la petite case dans Zion. Busy de Lion dans son royaume. Elle dans ma tête, elle est ma terre. Elle est la belle et je suis la bête. J'habite la petite case dans Zion. Busy de Lion dans son royaume. Elle dans ma tête, elle est ma terre.